go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, bought them my French. I said, bonjour, my da. Then she said, stop, I said, and I said, not boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Bonjour, bienvenue, c'est que du fun sur Fun Radio jusqu'à 20h pour m'accompagner. Comme tous les jours, il y a Kaufman. Salut Kaufman. Bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. En pleine forme, on a fait quoi aujourd'hui? Bah aujourd'hui on a travaillé, une fois n'est pas coutume, j'ai arrêté de chasser les Pokémon et je suis retourné au bureau. C'est très bien, il y a également Laurence qui est avec nous, ça va Laurence? Bah ça va super bien et toi? Oui, je suis en pleine forme, pour l'émission il y aura Sarah Al-Salov. Laurence, tu as lové sur quoi toi? Alors sur une voiture qui, pleine de technologie, pour une fois a vraiment aidé l'homme. Ok, très bien, Kaufman, toi tu as râlé? Oui, je resterai dans le domaine des voitures et je vous prouverai encore une fois que femme au volant... Femme volant, danger, accident. Danger permanent. Ah, danger permanent. Ou la mort retournant, si t'as envie de faire. Très bien, on a aussi un super cadeau à vous offrir encore toute cette semaine, Kaufman. Oui, le Lacer, le PC, la tablette, le PC, enfin le tout en un. Lacer One 10 est à gagner sur Fun Radio. Ouais. Et avant 20h, on vous en parle évidemment. Exactement, on vous en parle avant 20h. Il y a également le Fun Game, Kaufman. Oui, on parlera des nouvelles consoles et notamment de la nouvelle PS4. On a des informations exclusives à vous communiquer. Avant 20h. Laurence, le Fun Beauty. Ouais, on va parler high-tech aujourd'hui, comme tous les mardis, et on va parler d'un gadget qui va devenir rapidement votre meilleur ami et votre allié santé. Très bien, là il est 17h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Fun. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Hello David, salut à tous. Donald Trump sera-t-il le prochain président des États-Unis? Bah, disons que c'est pas dans la poche. Hein. D'abord, les sondages sont de plus en plus favorables à sa rivale démocrate Hillary Clinton. Et en plus, de nombreux républicains eux-mêmes affirment qu'ils ne voteront jamais pour un tel énergumène. Les derniers en date sont au nombre de 50. Ce sont tous des gens qui ont occupé des fonctions importantes dans l'appareil US de sécurité nationale. Et ils viennent de publier une lettre ouverte dans laquelle ils expliquent en gros que Donald Trump ne connaît rien aux problèmes de politique internationale et ne cherche même pas à les connaître. Il est donc ignorant, il est incompétent, il est instable et fantasque. Bref, selon ces gens qui, rappelons-le, sont membres du même parti que Mr. Trump, selon ces gens donc, ce dernier serait tout simplement le président le plus dangereux de toute l'histoire américaine. Ça devrait quand même faire un petit peu réfléchir les électeurs, hein, même ceux qui rejettent le système. D'ailleurs, des alternatives s'offrent à eux, hein, vu qu'il y a en fait 4 candidats à la présidentielle de novembre, Clinton et Trump bien sûr, mais également un écolo et un libertarien. Décidément, l'expression « trêve olympique » ne correspond plus à aucune réalité. Non seulement les guerres se poursuivent là où elles ont lieu, comme en Syrie, mais même au Brésil, le pays qui accueille les Jeux Olympiques, la vie politique poursuit son cours tortueux. Vu que c'est aujourd'hui que le Sénat en séance plénière devrait ouvrir la voie à la destitution de la présidente Dilma Rousseff, une destitution qui devrait devenir définitive à la fin du mois. Je vous rappelle qu'elle est accusée, donc Madame Rousseff, d'avoir maquillé les comptes publics, mais aussi d'avoir engagé des dépenses non prévues dans le budget sans avoir demandé l'accord du Parlement. Je ne sais pas si dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui désire devenir notaire, mais ce n'est pas impossible, à partir du moment où c'est un métier qui a de plus en plus la cote. Figurez-vous qu'il n'y en a jamais eu autant en Belgique, un tiers de plus qu'il y a 20 ans quand même. États-Unis, le nombre d'études, lui, a légèrement baissé. Alors, comment est-ce possible? Il faut savoir que depuis l'an 2000, la loi autorise les notaires à s'associer. Notez également que si en 1995, il y avait une femme notaire pour 13 hommes, aujourd'hui, un notaire sur trois est de sexe féminin. Et on dit bien une notaire pour une femme et pas une notaresse. Ça, c'est l'épouse d'un notaire. La langue française est merveilleuse de subtilité. J'évoquais les JO de Rio à l'instant, des Jeux Olympiques qui se passent plutôt pas mal pour la Belgique qui vient de décrocher une deuxième médaille en judo cette fois, grâce à Dirk Van Tickle qui a obtenu le bronze en moins de 73 kilos, un bel exploit pour l'Anversois. Il a notamment battu au passage le numéro 1 au ranking olympique et en finale le vice-champion olympique. A noter aussi que l'équipe féminine d'Australie a remporté la première médaille d'or de l'histoire des Jeux en rugby à 7 en battant en finale la Nouvelle-Zélande, comme quoi rugby à 15 ou à 7, c'est toujours la même qu'on retrouve au sommet de ce sport. C'est même enfin la qualification en tennis de Kirsten Flipkens pour le troisième tour du simple dames. Flipkens qui a profité de l'abandon de la Tchèque Safarova. Fun. Fun Radio. Avant le Sarah Solov, un point sur la météo. Carlo, quel temps pour demain? Demain, ce sera un petit peu comme aujourd'hui, sauf que ce sera meilleur. Demain. Et j'irai toujours ces trucs-là. Je la tiens pas. On va recommencer la semaine prochaine, on verra ce que ça donne. Allez, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec David et le son de Jonas Blue. Salut. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. L'émission qui fait daber entre 17h et 20h. C'est que du fun sur Fun Radio. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. Your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Bon après-midi avec Fun Radio et le son Dance Floor des Rice Treffy. Et là, c'est le moment de râler et de lover. On commence par Laurence qui love. Ouais, exactement. Bah, vous le savez, dans l'équipe, je suis pas trop fan d'un surplus de technologie. J'aime pas quand il y en a trop. Mais là, pour le coup, je me suis un peu réconcilié avec. Parce qu'en fait, Joshua Nelly, un avocat américain, il roulait pour aller au travail, tout simplement. Et en un coup, il a été pris d'une grosse douleur à la poitrine. Ouais. Donc, du coup, il appelle sa femme pour la prévenir, pour dire qu'il va aller aux urgences. Il est en train de rouler et il arrive plus. Il sent vraiment, il y a plus moyen, il peut plus rouler. Donc, du coup, il active l'autopilote de sa Tesla. Donc, la Tesla, sa voiture électrique, 100% électrique et 100% connectée. Et la voiture l'amène à l'hôpital toute seule. Directement. Elle a fait 30 km toute seule et elle l'a amené juste devant l'hôpital. Et donc, du coup, les médecins, ils ont dit qu'il avait quand même eu beaucoup de chance parce qu'en fait, c'est une embolie pulmonaire qu'il était en train de faire. Ouais. Et que donc voilà, il pouvait vraiment vraiment remercier sa Tesla. La technologie peut sauver des vies parfois quand même, hein. C'est bien quand même, Goffman. Ah, évidemment, ouais, sauf quand elle te tue pas, tu vois, la technologie te rend plus fort. Exactement, toi Goffman, tu as râlé, hein. Ah bah oui, moi je vais encore vous démontrer aujourd'hui que femme au volant, danger au tournant, ouais. Non. Bah oui, c'est l'histoire d'une femme, une gentille femme à la base, tu vois, elle arrive dans un rassemblement de voitures en plus, c'est ça qui est intéressant. Elle arrive dans un rassemblement de voitures à Washington DC, et la conductrice essaye de parquer très normalement sa Mercedes-Benz 380 SL Roadster. C'est une toute belle bagnole. Okay, ouais. Plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Carrément. Et la conductrice, eh ben, à un moment, elle perd le contrôle et elle s'en mêle dans les pédales. Ouais. Et résultat, elle grimpe sur le pare-choc et le capot avec sa voiture. D'une Ferrari de 300 000 dollars. Alors tu vois l'image de la Mercedes qui est complètement garée, mais sur la Ferrari à 300 000 dollars. Résultat, ne confiez pas les clés de votre voiture très très chère à votre femme parce que vous risqueriez de, eh bien, de la retrouver garée sur une Ferrari ou autre. Ils ont fait un constat ou pas? À mon avis, ils ont fait un plus qu'un constat, parce que quand tu vois les bagnoles, elles sont carrément emboîtées, tu vois. Je veux même pas voir les assurances des voitures là-dessus, parce que ça doit coûter une blinde quand même. Non, ça coûte combien, ton avis, une assurance comme ça? Tu crois quoi, que je roule en Ferrari? Bah oui, non. C'est pas toi qui roule en Ferrari? Non. Ah, je me suis trompé alors. Moi, peut-être en Rari, mais pas en Ferrari. Très bien, dans quelques minutes, ce sera le combien ça coûte. On a plein de cadeaux à faire gagner, Kaufman, hein. Ah bah oui, comme d'habitude, et comme tout l'été, Smartoys vous offre des goodies, jeux vidéo, et plein de trucs assez sympas. Vous jouez avec nous et vous repartez avec blindé de cadeaux. Ouais, ça se passe dans le combien ça coûte, c'est juste après Era et Streffy avec Bonne Bonne. On est sur Fun Radio et nous on est ensemble jusqu'à 20h. This is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. It's your chitty, dun, dun, dun. Blind right. See, I'm awesome, but

euros. Ah, t'as les moyens, toi. Ah, hein, t'as vu ça? 1480 euros. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. Une question, Kaufman, pour commencer? Oui, est-ce que c'est un objet professionnel ou plutôt de divertissement? Divertissement, on va dire. Est-ce que c'est un accessoire de mode, comme un sac ou... Non. Est-ce qu'on en trouve dans les maisons? On en trouve dans les maisons? Oui. Non. Est-ce que ça fait du bruit? Ça fait du bruit. Est-ce que c'est plutôt un objet pour les enfants ou pour les grands? Pour les grands. Est-ce qu'il y en a dans tous les pays? Il y en a dans tous les pays. Est-ce que... tu m'as dit que c'était un objet de divertissement. On peut dire ça, de divertissement, mais bon... Je te sens pas très sûr sur ce truc. Mais non, c'est pour ça que tu m'as dit professionnel ou divertissement. Je préfère dire divertissement que professionnel. D'accord. Est-ce que... t'avais fait un vélo il y a pas très très longtemps. Est-ce que... Oui. C'est un objet qui s'utilise dehors. Voilà, c'est oui. Ça que je voulais dire. Oui, très bien. Ça a mis du temps, mais c'est arrivé. Ouais. Oui, on l'utilise dehors. Laurence. Est-ce que ça sert à se déplacer? Ça sert à se déplacer, oui. Ah ouais, le vélo a bien mis sur la voie. je le connais, hein, je commence à le connaître. Un petit peu. Ce petit pervers. Là. Alors, une question, Kaufman. Est-ce que c'est motorisé? C'est motorisé, effectivement. On me dit une voiture au 6322. Non, ce n'est pas la bonne réponse. 1480 euros. C'est le 6322, si vous avez la bonne réponse, on a plein de cadeaux à faire gagner. Jeux vidéo et goodies collector. Laurence, une question. Est-ce qu'il faut avoir le permis? Il faut avoir le permis, oui. Est-ce que... est-ce qu'il faut un casque? Il faut un casque, oui. Est-ce que ça se range dans le garage? Ça se range dans le garage, est-ce que c'est un deux roues? C'est un deux roues, oui. Stop. On récapitule. Oui. C'est un deux roues. C'est ça. Motorisé. Il m'a fait peur, ce con. Il faut le permis, ouais. Mais parfois pas. C'est ça. Si on a une petite plaque jaune dessus, il faut okay. Pas de permis. Si j'ai trouvé, hein. Bah, oui, je vois ça, t'as trouvé, oui. C'est un objet d'extérieur qu'on peut ranger dans son parking. Si vous avez la réponse, vous envoyez la réponse au 6322. C'est un euro par message. On me dit un vélo, ce n'est pas un vélo 6322, on me dit une moto. Non, je n'accepte pas la moto, ce n'est pas la bonne réponse. C'est le modèle en dessous. C'est le modèle en dessous, la moto, effectivement, que je cherche. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. On a fait plein de cadeaux cette semaine avec Smart Toys et Kaufman, hein. Oui, on a ramené des goodies Overwatch, des goodies Doom, autrement dit des goodies en rapport avec les jeux vidéo. On vous a offert Technomancer, qui est un jeu vidéo aussi. On vous a offert, et on va vous offrir encore d'autres jeux. Et d'autres puis jeux vidéo, je vous le disais, on vous offrira avant la fin de cette semaine la saga Dragon Ball, le tout en DVD Blu-ray. Voilà, si vous avez la bonne réponse, ça se passe au 6322, 1 euro par message. Le mot que je cherche commence par quelle lettre autour de la table? Un S. Un S, Laurence, toi aussi tu l'avais trouvé, Kaufman, c'est bon? Bien sûr. Oui, ça commence par un S. Allez, je vous laisse le temps d'Imani pour envoyer la bonne réponse et je prends un gagnant juste après. Fun Radio présente Party Fun Live avec Kid Noise, vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie. Party Fun Live. À l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noise pour un set exclusif, mais aussi Cardell et Oksun DJ Party Fun. Kid Noise en live, c'est vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie, près de Pérouet. Plus d'infos sur funradio.be, une organisation du comité du 15 août et TNT Musique. C'est l'été. Et qui dit été dit... Hé hey Phil, ça roule? Dis-je pars lundi en vacances, tu peux me déposer à l'aéroport? Mais en fait, ce que votre ami veut dire, c'est... Phil, dis-je pars me dorer la pilule au soleil. Il faut que tu passes 2 heures dans les emboutes pour me déposer et puis repartir chez toi. Enfin non, pas chez toi, au boulot. C'est lundi, c'est vrai. Allez, merci, ciao. Rendez-vous service et faites plaisir à vos amis en devenant ami chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Ah, pour moi, un... Oh oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, donc, 3... Il y a un problème? Ouais, comment ça s'écrit? tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Taste the feeling. Auto présente le mois de Wout, semaine 2. Un deuxième volet aussi bien que le premier, avec à nouveau 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouez au loto. Fun Radio, le son Dance Floor. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls' shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me.

La fin d'après-midi tranquille avec Fun Radio. Nouveauté. New music. Découverte Fun Radio. Je vous propose de découvrir le nouveau son de Black M. Le titre The Chu chez moi. Fun Radio, première sur les nouveautés. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde de haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. C'est pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafet chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi. Fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. Allez, bon après-midi sur Fun, le son de Face et Afrojack à suivre. Et là, c'est le moment de découvrir qui a gagné ou combien ça coûte. Et j'accueille Michel qui est avec nous. Salut Michel. Bonjour. Salut Michel. Salut Michel. Comment ça va Michel? Ça va et vous? Bon, ça va en pleine forme. Oui, et hein. Nous. Tu habites où Michel? Et j'habite Flémal. Encore un Liégeois. C'est tous les jours. Et hein, vous n'arrêtez plus, on est numéro F, une radio sur Liège. Hein. Dis-moi Michel, le prix du jour, 1480 €, ça correspond à quoi pour toi? Le prix d'un scooter. Le prix d'un scooter, on vérifie. Belle radio. Bravo bien Michel joué. C'est ah, bien, une bonne réponse. Bien joué Michel. En même temps, à ce prix-là, c'était pas le prix d'un café liégeois, hein. c'est sûr, c'était beaucoup trop cher. Il a gagné quoi Kaufman? Bah il a gagné des goodies jeux vidéo qu'on va t'envoyer très très vite. Tu joues aux jeux vidéo Michel? Oui hein, comme tout le monde je crois. T'as quoi comme console là Flemal? Je suis plus PC que console. Ok, bon on va te faire plaisir, t'inquiète pas hein. On t'envoie des goodies, ça va Michel? Ça va, merci beaucoup. De rien, on prend tes coordonnées en antenne, ne bouge surtout pas, bonne soirée. Bisous Michel. Merci, bonne soirée à vous. Salut. Merci, bisous Michel. Pour la suite, ça se passe avec le Fun Beauty, on va parler de quoi Laurence? Ouais, bah le mardi c'est high-tech et donc du coup aujourd'hui on va parler d'un gadget qui va devenir notre meilleur allié santé. Très bien, on en parle juste après Face et Afrojack avec le titre Hey sur Fun Radio. your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone, you do your thing and you live like you want. I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I say, hey, hey. Suite du Sundance Floor, ça se passe avec DJ Snake. Dans quelques minutes, c'est le Fun Game avec Kaufman. On va parler de quoi? Bah, on parlera de la PS4 Neo. Ouais, c'est comme ça qu'elle s'appelle pour l'instant. On essaiera de donner des premiers détails, les premiers détails en exclusivité, ou en tout cas, on vous dira exactement quand elle sera révélée. Mais là, maintenant, c'est le Fun Beauty de Laurence. Toutes les nouveautés beauté dans le Fun Beauty avec Laurence. Et le mardi, c'est nouveauté high-tech. Exactement. Et pour cet été, bon, on était un peu tous en quête de ce fameux summer body. Hein, je sais pas si vous savez ce que c'est, les non, gars. Non, c'est quoi le summer body? Je sais pas. C'est le corps d'été. Exactement. Ah, oui. Je suis con. Ok. Bah, c'est le corps parfait pour aller sur la plage. Moi, perso, j'avais abandonné l'idée depuis janvier quand même. Mais j'ai retrouvé espoir grâce à un nouveau gadget qui est en fait notre allié santé. Ouais. Ça s'appelle My Beauty Balance et en fait il a une forme de pince à cornichon. Ok. Mais ouais. Il fait beaucoup plus que ça parce qu'en fait c'est carrément un coach minceur qui nous accompagne dans tous nos objectifs minceurs tout simplement. Mais c'est petit comme truc alors. C'est tout petit. Et c'est un coach minceur ça. Exactement. Ok ouais. Et donc ça fonctionne avec une application sur notre téléphone et sur notre tablette et ça fonctionne en fait comme un thermomètre. C'est-à-dire, on se le met où? Non, on se le met à la cheville. Ah, ok, à la bien. Cheville. Je demande, je pose la question. Et donc, en quelques secondes, il va donner un check-up et un bilan complet de notre état corporel. Ouais. Mais en plus de ça, il donne aussi quelques astuces et quelques conseils pour les objectifs qu'on souhaite atteindre. Par exemple, si on veut prendre de la masse musculaire, bah, il va nous dire comment faire. Et si on veut perdre du poids aussi. Oh, c'est sympa comme truc. Donc, c'est plutôt sympa. Mais le truc, c'est que voilà, comme tous les gadgets, après un certain temps, on s'en lasse, on le met de côté et tout. Et vu le prix, vaut mieux être sûr de son choix parce qu'il coûte quand même 225 euros. Ouais, mais c'est un coach masseur. Quand on prend un coach pour m'écrire, ça coûte autant, je pense, non, Kaufman? Bah écoute, moi, pour une pince à cornichon, je peux faire moins cher, honnêtement. Ouais, tu peux faire moins cher. Donc 225 euros. Et c'est My Beauty Balance. Ok, très bien, merci. Le fun game, on est prêt, Kaufman? Ça coûte toujours. On va parler de quoi? On parlera de la PS4 Neo. C'est la nouvelle PlayStation qui débarque bientôt. Et on vous donnera le rendez-vous précis fixé par Sony. On est les premiers sur le coup. Normal, Fun Radio, c'est la radio des jeux vidéo. Tout ça, on en parle juste après DJ Snake avec Talk sur Fun Radio. Son dance floor continue sur Fun Radio avec Deoro et Baila. Et place le Fun Game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et la PS4, Kaufman. Et place le fun game de Kaufman. Place le fun game Kaufman, allez. Bon, allez, on va vous parler de la PlayStation 4 Neo. Vous n'êtes pas sans savoir que ce soit Xbox ou que ce soit PlayStation 4, ils ont tous annoncé une espèce de nouvelle console mise à jour matérielle. C'est pas vraiment une nouvelle console puisqu'elle continue dans la même ligne. Ok. Et celle de la PS4 s'appelle PS4 Neo. Alors, on sait pas grand chose sur cette PS4, sauf que bien sûr, elle va streamer le 4K de manière native. Autrement dit, si vous avez un téléviseur 4K, vous pourrez pleinement profiter de cette haute définition. Mais, j'ai réussi à avoir une info qui est, à mon sens, très capitale. Ah, laquelle? On se souvient qu'il y a 3 ans et demi, Sony voulait présenter sa PS4 à New York. Ouais. Eh bien, il semblerait que Sony ait choisi le 7 septembre prochain, toujours à New York, pour présenter sa PS4 Neo. Ah, pas mal. Et donc, à mon avis, c'est la date qui a été retenue pour cette présentation. Ok, donc on est sûr et certain, ou quasiment sûr et certain, quoi. Écoute, quand je te dis quelque chose, généralement... Effectivement, mais il y a quoi comme nouveauté? On sait pas plus sur cette PlayStation. Bah, je te donne déjà la date, on va tout savoir. Ouais, on est bon, premier sur le coup à l'annoncer. T'es jamais content, toi. Mais non, j'ai envie de savoir plus, dis donc. Et je démissionne. Les jeux seront compatibles, on sait déjà ça ou pas? Oui, oui, bien sûr. Ah, ça c'est sûr et certain. Bien sûr. Donc on peut acheter des jeux PS4 maintenant, ils vont être compatibles avec la prochaine. Ouais, ouais, il y a pas de problème là-dessus. Et elle coûtera 300-340 euros, un truc du genre. Ça, je te laisse seul juge et seul maître de tes propos. Très bien, on a un super cadeau à vous faire gagner cette semaine, hein, Kaufman. Le PC Acer. Ouais, le PC Acer. Le One Ten. C'est ça, c'est oui. C'est ça dont tu veux parler. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça m'ennuie très fort que tu l'appelles super PC, parce que c'est beaucoup plus que ça, je te le rappelais déjà c'est vrai, hier. C'est une PC tablette, ouais. Et toute cette semaine, je continuerai à te le rappeler. C'est carrément une espèce d'hybride, de machine hybride, qui vous permet, eh bien, soit de travailler sur un PC classique, soit de le prendre en mode tablette, histoire de regarder votre film tranquille, détendu avec vos enfants, avec votre conjoint. Et devinez quoi, ce petit bijou de technologie est à gagner toute cette semaine dans notre émission, mais également dans Summer Fun. Ouais, c'est que du fun, c'est à peu près chez nous. Hein. Et donc, pour ce faire, il faut envoyer deux lettres. PC au 6322, c'est 1 euro par message. Je vous le répète, PC au 6322, c'est 1 euro par message. Et l'avantage, c'est que si vous participez chez nous, vous pouvez peut-être la gagner aussi demain matin. Entre 6h et 9h, ouais. La chance est doublée. Avec un seul SMS, vous envoyez PC au 6322, c'est 1 euro par message. Bonne chance. Bonne chance à vous. Pour la suite, il y aura les meilleurs moments de la Power et des euros sur Fun Radio. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. Fun Radio, le son dance floor. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Ah, pour moi un. Oh oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un. Ah oui. Moi aussi, mettez-moi un. Bien, donc trois. Il y a un problème? Ouais, comment ça s'écrit? Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Ce soir, la Super Coupe UEFA. Les vainqueurs de la Champions League et de l'Europa League s'affrontent pour le titre ultime. Real Madrid-Séville, la Super Coupe de l'UEFA, un événement RTL Sport à vivre en direct ce soir dès 20h sur Club RTL. Fun Radio. Fun le son. Dance floor. Let me lay it on the line. I got a little freakiness inside, and you know that the man has got to deal with it. I don't care what they say, I'm not about to pin nobody's way, 'cause it's all about the dog in me. Mm-hmm. I want a freak in the morning, a freak in the evening, just like babe. Perfect brother that can satisfy me, just for me. If you are that kind of man, 'cause I'm that kind of girl, I got a freaking secret, everybody sing, 'cause we don't give a damn about a thing. 'Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. We can all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood, on against the lead. 'Cause we can love any time of day, it's all good for me. I'm not afraid to freaking secret. Everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the day. We get all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood on against the lead. Entre 17h et 20h, profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Le vamos! C'est l'IMAC à suivre. Et c'est le moment d'écouter les meilleurs moments de l'Happy Hour avec Audrey Kaufmann. T'as une info pour nous? Bah oui, vous ne le savez peut-être pas, mais l'Happy Hour revient. Et revient même bientôt. Ils reviennent quand? Lundi 22, le rendez-vous est pris, 17h-20h. Ils sont là pour la rentrée. Et apparemment, parce que j'ai un peu écouté ce qui se passait dans les couloirs. Dis-moi. Ils ont blindé de nouveautés. Hein. Ils sont en train de travailler en haut là. Hein. Ils sont en train de se demander. Et ça va pas. Et en plus, au niveau cadeau, un truc qui me plaît, je vais pas dévoiler ce que c'est, mais ils ont pensé à tous les gastronomes, à tous les gens qui aiment bien manger. Ok. Et je pense qu'ils leur feront bien plaisir chaque semaine. Mais j'en dis pas plus, parce que je vais me faire engueuler. Oui, c'est vrai, se faire engueuler. Ils sont de retour donc le 22, c'est bien ça? Le lundi 22. Ah, je suis pressé. Ce qui fait que finalement, nous, on va finir un jour aussi. Oui, c'est possible. On finira le vendredi 19, si mes comptes sont bons. Très bien. Là, je vous propose d'écouter un moment avec l'horoscope du jour de la Happy Hour. Je vois. C'est l'heure de de l'horoscope sur Fun Radio. Ouais, vous savez, dans cette émission, on s'amuse à prendre l'horoscope, en gros tous les signes de l'horoscope, hein, les trucs classiques, sauf qu'on fout le bordel. Voilà, aujourd'hui, on va vous dire si vous êtes quelqu'un de bricoleur. En gros, est-ce que le bricolage, c'est fait pour vous, les béliers? Vous, bricoleur, alors vous êtes au bricolage que Madame Galant est à la politique. Une catastrophe. Les taureaux. Alors, on peut pas dire que vous soyez doué, hein. Le dernier truc que vous avez construit, c'était deux tours à New York. Fab, non, les gémeaux. Alors, vous êtes un vrai MacGyver, on vous donne deux bouts de ficelle, un carton de la colle, vous revenez avec une étagère. Les cancers. Vous êtes nuls. Non, non, mais nul. La dernière fois que vous avez planté un clou, c'était dans un mec barbu sur une croix. On a tous vu que ça n'a pas tenu. Hein. Les béliers. Ah, non, les c'est pas ça, les lions, pardon. Oui, les lions sont super bricoleurs, surtout si ce sont des petits enfants chinois de 6 ans. Ils font de super baskets. Vierge. Vous avez toujours été incapable de vous servir de vos mains, à part pour vous faire du bien. Balance. Vous avez deux bras qui ne vous servent à rien. Enfin, sauf si vous vous appelez Jamel. Bien sûr, là, vous n'avez qu'un bras qui vous sert à rien. Il est grave, sérieux. Les scorpions. Ah, vous êtes tellement pas doué pour bricoler que le seul endroit où vous pourriez travailler, c'est Malaysia Airlines. Sagittaire. Vous êtes au bricolage ce que les Roumains sont à la mode, c'est-à-dire nul. Les Capricornes. Alors, vous avez toujours aimé jouer avec des bouts de bois. Hein. D'ailleurs, la ville de Mons s'en souvient encore. Ah ouais, comment ça s'appelle encore ça? Je sais plus, mais ça va. Ah non, attends, non, non. C'était une construction d'allumettes là, autour de la ville. Oh, comment ça s'appelait ce truc? Eh, dites-nous si vous le savez au 3044. Mais si, allez, hein, les Verseaux. Alors, vous êtes tellement nul en bricolage que chez Ikea, vous n'arrivez même pas à les sortir de leur emballage, les meubles. Et enfin, les Poissons. Alors, le bricolage et vous, ça fait deux. Hein. Déjà tout petit, vous n'arriviez pas à montrer les surprises dans les Kinder. C'était pas Arne 15, Arne Queens, Arne machin. Un truc comme ça, ouais. Arne Queen. Non, pas Queen, c'est 15 Queens. Un truc comme ça. Blint. Bon, ouais, je sais pas, vous savez mieux que nous. Ouais. Dites-nous au 3044 comment elle s'appelait, mais elle y est encore. Hein, et tous les bouts de bois, ils sont bien mis. Hein, j'ai vu tout à l'heure. C'est pas le même qu'à construire. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. When these stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance. Please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. This life is all we know. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. C'est que du fun jusqu'à 20h et le son à suivre, Justin Timberlake sur Fun Radio. Et dans quelques minutes, ça va râler et lever. Kaufman, tu vas lever sur quoi ? Ah, moi je vais lever sur l'histoire d'une meuf qui a revu et corrigé les 10 commandements. Et okay. C'est son gars qui a subi la foudre divine. On en parle dans quelques secondes. Laurence, tu as râlé sur ? Bah, sur une mère qui a confondu l'amour maternel et l'amour tout court. Ah bon ? Bizarre cette histoire. Et aussi le fun game, Kaufman ? Oui, on vous parlera du nouveau radar présent dans Pokémon Go. Et croyez-moi, c'est une chouette nouveauté qui est arrivée ce matin chez tous les possesseurs de l'application Pokémon Go. Et attention à ne pas jouer sur la route en parlant de radar. Ouais. Merci Kaufman de faire cette belle transition. Aussi un super cadeau à faire gagner. Le PC tablette, on peut le dire comme ça, ça va ? Bah, c'est un petit bijou de technologie, le Acer One 10 qui était gagné toute cette semaine dans notre émission. Vous envoyez PC au 6082, c'est 1€ le message. Et on vous explique tout à l'heure en quoi cela peut vous être utile. Effectivement, et là il est 18h. Fun Radio. Fun. 18h, c'est l'heure des infos avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, salut à tous. 250 policiers environ se sont retrouvés devant l'hôtel de police de Charleroi ce matin pour rendre hommage à leur collègue attaqué samedi à la machette par un homme se revendiquant de Daesh. Des policiers qui ont respecté une minute de silence au garde à vous. Rappelons quand même que les deux policiers blessés sont hors de danger, même si elles sont toujours à l'hôpital. Alors en parlant d'attentats terroristes, je ne sais pas s'il faut s'attendre à des opérations comme celle du Bataclan, de Zaventem ou de Malbec dans un avenir proche. Mais ce qui est probable par contre, parce que difficile à éviter, c'est de voir des personnes isolées, comme le gars qui a perpétré l'attaque de Charleroi. Des personnes isolées et pas tout à fait bien dans leur tête, évidemment, à prendre ce genre d'initiative et s'attaquer à des gens dans la rue ou ailleurs. En France, par exemple, une gamine de 16 ans vient d'être inculpée et placée en détention provisoire après avoir déclaré sur Internet qu'elle avait l'intention de commettre un attentat et avoir appelé d'autres candidats djihadistes à en faire autant. Bah oui, Internet comme outil de propagande, c'est un peu problématique, hein, mais en même temps, ça permet d'arrêter à temps les imbéciles qui dévoilent leurs intentions au vu et au su de tout le monde. Très radicalisée, cette ado était administratrice d'un groupe sur la messagerie Telegram, où elle a relayé de nombreux messages de propagande de Daesh, ainsi que des appels à passer à l'acte. Et puis dans quelques jours, le 15 août, ce sera l'Assomption, une des principales fêtes religieuses de l'année. À cette occasion, entre 1500 et 2000 pèlerins sont attendus à Banneux, célèbre village des Ardennes où la Vierge serait apparue à plusieurs reprises en 1933. De nombreux pèlerins attendus donc, ainsi que pas mal de policiers. Et bah, quelques jours après l'assassinat d'un prêtre en Normandie, il vaut mieux être prudent, hein, même si Banneux ne fait pas l'objet d'une menace spécifique. Seront notamment présentes des équipes de réponse rapide munies de nouveaux pistolets mitrailleurs. Pas de coïncider au recueillement et à la ferveur religieuse, mais faut ce qu'il faut. Enfin, les journalistes sportifs de France Télévisions ont été beaucoup critiqués après les Jeux Olympiques de Londres pour les nombreux dérapages dont ils s'étaient rendus coupables. Alors on aurait pu espérer un petit peu de retenue de leur part cette année, mais pas du tout, à croire qu'ils le font exprès. Un commentateur a comparé les gymnastes japonaises à des Pikachu, c'est très fin. Pendant la cérémonie d'ouverture, un autre a déclaré que l'esclavage avait été nécessaire pour le développement industriel et qualifié le travail des esclaves de simple service. Bon, en même temps, les journalistes sportifs ne sont pas historiens non plus. Enfin, il n'y a pas que les commentaires racistes, il y a le manque de délicatesse aussi. Comme quand André Garcia retient par la manche une escrimeuse française qui venait de perdre et cherchait à s'éclipser, histoire de pouvoir pleurer seul dans son coin. Le gars l'a donc retenu par la manche en lâchant qu'il n'y avait pas de quoi être si triste. Bravo. Fun. Fun Radio. Dans quelques instants, c'est le Sarah Salov avec Kaufman et Laurence. Là, on fait un point sur la météo. Carlo, quel temps pour demain ? Mauvais. Ah, mauvais. Ah, alors. Mais mauvais, c'est dégueulasse. Entre 14 et 18 degrés, des nuages et des averses. Ah. C'est le retour de l'automne. Ok, très bien. Ah, on aura vraiment eu droit à un été pourri. Hein. C'est ça, oui, Carlo. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec David et le son de Justin Timberlake. Salut. Fun. Fun Radio. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Posé et au calme sur Fun Radio. KLM, c'est que du fun entre 17h et 20h. Yeah. I got got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. La suite du Sundance Floor, ça se passe avec Mojo sur Fun Radio. Et là, c'est le moment de râler, de lover. On commence par Kaufman. Tu as lové, toi ? Ah oui, moi, j'ai c'est plus que lové, là. Oula, oui. Les 10 commandements qui ont été revus et corrigés. D'abord, imaginez-vous, Magalouf, c'est une île de Majorque. Ah, je crois que c'est un prénom, moi. Ouais, moi aussi. Non, Magalouf. Généralement, on les appelle Magali. Ah oui, c'est vrai. Magalouf ou Magaluf, je sais pas comment on dit, sur l'île de Majorque, une région des Baléares, devenue quand même une destination très privilégiée pour tous les fêtards adeptes de musique, d'alcool, de drogue, mais aussi de sexe. Oui. Pas étonnant dès lors de voir certaines petites copines tiquer à l'idée de voir leur petite amie s'y offrir soi-disant quelques jours de repos, ouais, en compagnie d'amis, ou enfin ouais, prétendus amis. Et c'est le cas de Kiran Lomsen, qui est écossais, il est jeune, il aime faire la fête. C'est donc fort logiquement que lui et ses potes ont choisi la station de Magaluf en normal, Espagne, oui, pour lieu de villégiature. Autant dire que sa petite amie, Whitney, n'était pas très très chaude à l'idée de voir son compagnon s'envoler avec ses potes vers ce paradis de débauche. Elle lui a donc concocté une liste de 10 commandements respectés. Ah. Une liste que le jeune homme a immédiatement partagée sur son compte Twitter avec le titre charmant « Whitney place la suspicion à un nouveau niveau ». Je vais vous en donner quelques-uns pour vous donner un petit peu le ton. Ouais. Premier commandement, ton GSM toujours chargé, tu garderas. Et 2 minutes par jour, tu me téléphoneras. Ça, 2 minutes, ça va. Ça va, hein. Deuxième ça commandement, à aucune fille tu n'accorderas de l'importance. Merde. Tu ne regarderas pas, tu ne parleras pas et tu ne toucheras encore moins. Ah, c'est impossible ça. Je suis d'accord. Et troisième commandement, pour vous donner un exemple, aucune fille sur les réseaux sociaux, tu n'ajouteras. Ah, c'est sévère quand même, 10 commandements. Hein. Ah oui, oui, je vous ai passé aussi les commandements en forme de sanctions s'ils pêchent. Très bien, donc ça t'a fait lever Kaufman, hein, t'as aimé. Hein. Ah, moi j'adore hein, les filles comme ça qui ont un peu de caractère, un peu de poigne. Ah bah oui, t'aimes bien ça. Non, parce que la suite de l'histoire, je suis sûr qu'il va la tromper, mais ouais, bon, ça sûr, c'est ça. Dans un autre épisode. Ça, on est sûr et certain. Laurence, toi t'as râlé. Ouais, j'ai râlé parce qu'en fait Monica, 36 ans, et Caleb, 19 ans, entretiennent une relation amoureuse. Ok. Donc jusque-là, à part l'âge, bon voilà, rien de trop grave. Mais faut savoir que Monica est en fait la maman de Caleb. Ok. Donc ça veut dire que Caleb sort avec sa maman. Ah ouais. Oui, c'est embêtant ça. Ouais, elle a quel âge sa maman? Elle a 36 ans. Et lui, il a quel âge? Eh ben justement, il a 19 ans, mais en fait, Monica a eu Caleb à 16 ans. Ouais. Elle l'a fait adopter parce que voilà, elle était trop jeune. Ah, ils se sont recroisés après. Et du coup, Caleb a voulu retrouver sa maman. Sur Facebook, il l'a retrouvée. Ils se sont revus. Et apparemment, ils auraient eu un coup de foudre. Mais non, bah, c'est pas possible, ça on peut pas. Hein. Voilà, ben c'est ce que je ne comprends pas non plus. Kaufman, hein. on ne peut pas sortir avec sa maman. Ça arrive, mais dans le nord de la France. Allez, pour la suite, on a un super cadeau à faire gagner cette semaine, Kaufman. Hein. Oui, la tablette ordinateur Acer One 10, c'est le must du must qu'on va vous offrir toute cette semaine et en exclusivité sur Fun Radio. Bah, on aime bien vous gâter et l'été, bah, c'est pareil, c'est muy caliente. Ça, on vous explique tous les détails de cet appareil juste après Mojo avec Lady sur Fun Radio. I feel Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio, ça me motive grave. Fun Radio. Le son. He calls me the devil. I make him wanna sin. Every time I knock, he can't help but let me in. Must be homesick for the real. All the real estate gets. He probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. The darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? You're my manna from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Now I finish with you, yeah. No, can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. The darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I'm hot like hell. So burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure of heaven. And I'll give it to you. Hotter than hell. Allez, on est posé sur Fun Radio avec le son de Môme. Et on a encore un gros cadeau à vous offrir cette semaine dans l'émission. On vous offre l'Acer One 10. C'est un mélange entre une tablette et un PC. Il y a un clavier. Vous mettez le clavier sur la tablette et ça devient... Un PC. Oh, ils suivent pas autour de la table, suivez un petit peu les amis. Et c'est un énorme cadeau, l'écran fait 10 pouces, vous allez pouvoir regarder des films, jouer à vos jeux, Pokémon c'est Go, cool, Candy ça. Crush, ça marche très bien. Kaufman, tu l'as pu le tester toi? Oui, moi j'ai testé, d'ailleurs je l'ai gardé. Tu vois, ça marche très bien, Pokémon Go, Candy Crush, ça marche très bien. Les films aussi, bonne qualité de film, hein, Kaufman. Qualité HD, en plus l'écran de 10 pouces supporte parfaitement cette qualité d'écran, donc c'est vraiment un plaisir. Et on sort un peu des sentiers battus des grandes marques qui ne proposent par exemple que des tablettes, c'est pour ça, ne citer personne. Pour entrer dans un marché beaucoup plus intéressant, comme tu le disais, il suffit de clipser le clavier pour en faire un PC. Ouais. Vous pouvez regarder des films, vous pouvez jouer des jeux 3D, 2D. Il y a une connectique aussi plutôt intéressante avec du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0, un clavier avec un port USB standard, un micro USB, une sortie HDMI si vous avez envie de brancher votre téléviseur sur votre tablette par exemple. Oui, même une carte micro SD qui vous permet d'augmenter facilement la mémoire de votre PC. Ça, c'est génial. On part avec une base de 32 Go. Il suffit de mettre une petite carte et boum, le tour est joué. Et pour emporter ce superbe engin, ce couteau suisse technologique comme j'aime à l'appeler, eh bien vous envoyez au 6322 deux lettres, PC. Ouais. PC au 6322, c'est 1€ par message. PC au 6322 toute cette semaine, que ça soit dans Summer Fun entre 6h et 9h avec Anto et Coco, ou dans C'est que du fun chez nous entre 17h et 20h, on vous offre l'Acer One 10. C'est vraiment le cadeau de la semaine sur Fun Radio. On a envie de vous faire plaisir. dire, hein, même l'été, c'est pas parce que vous êtes pas parti en vacances cette année, eh bien que nécessairement nous on se met en congé. Non, on est là, tranquille, détendu, on est en direct 18h18. Pour les plus, bah oui, il y en a toujours qui se méfient un petit peu. Bah non, on est vraiment là à vous tenir compagnie. On n'a pas pris de vacances exprès pour faire plaisir à ceux qui n'ont pas la chance. Et en plus, on vous offre de chouettes cadeaux. La serre One Ten était gagnée. Vous envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message. On vous souhaite évidemment toute la chance, mucha suerte, comme on dit en espagnol. Ah, tu parles espagnol, toi? Un poquito. un poco plutôt, non? Non, poquito, c'est vraiment un tout petit peu. Tu vois, t'as voulu faire le malin, t'es tombé dans le ravin. Pour la suite de l'émission, il y aura le topito du jour avec le top 5 des trucs que tu fais sur l'ordinateur quand tu n'as pas internet. Il y aura également la ville mystère, le fun game Kaufman. Oui, on parlera de Pokémon Go et du nouveau radar qui est entré en action depuis ce matin. Le son dance floor avec moi, mais juste après Zao et MHD, c'est tout nouveau. Party all night, all summer. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train... L'auto présente le mois de Wout, semaine 2. Un deuxième volet aussi bien que le premier, avec à nouveau 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouez au loto. This is Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Dance floor, dance floor, dance floor, dance floor, dance floor, dance floor. Dance floor. Love me like. Get your higher, no one else get your higher. You and I, we're so hot that we fire, we're so hot that we fire. Oh,

de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai, c'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'enjaillis. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Et demain on aura zappé. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde bouge. Tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Allez, on rentre du boulot avec le son de Kungs sur Fun Radio. Dans quelques minutes, il y aura un jeu, la ville mystère et le fun game de Kaufman. On va s'intéresser à Pokémon. Oui, on parlera du nouveau radar qui est apparu ce matin pour tous les détenteurs de l'application Pokémon Go. Maintenant, place au topito du jour, le top 5 des trucs que vous faites sur votre ordinateur quand vous n'avez pas internet. Kaufman, tu fais quoi toi quand t'as pas internet? Bah, quand tu joues, tu fais des jeux, tu fais quoi? Ouais, c'est ça, je joue au jeu PC, ouais. Tu joues au jeu PC, et toi, Laurence, quand t'as pas internet sur ton PC, ouais, tu fais quoi? Ouais, je joue aux Sims. Vous jouez aux Sims également. Et bien, en cinquième position, vous videz votre corbeille. Qui le fait autour de la table, sa corbeille comme ça? À papier? Non, la corbeille ordinateur. Ah oui, d'accord. Tu la vides souvent ou pas ta corbeille? Non. Non, elle se vide toute seule en fait. Ah, elle se vide toute seule? Oui. Waouh! Oh, et donc, c'est pas comme ordinateur. Faut que tu nous donnes la marque et tout, hein, parce que. tout est une question d'abord de savoir-faire et puis de paramétrage. Très bien, quatrième position, ouvrir Paint et faire un dessin dessus. Quel dessin avez déjà vous fait sur Paint? Comment il s'appelle le programme? Paint. C'est quoi Paint? Paint, tu l'appelles comment toi? Ouais, non, c'est bien. Paint, tu as déjà fait un dessin dessus ou pas? Bah, j'ai Photoshop. Ah, t'as Photoshop? Il a tout de plus que nous. Et t'as bloody toi, dis donc, t'es trop fort comme mec. Et toi, Laurent, t'as déjà fait? Moi non plus, j'ai pas Paint, j'ai Photoshop aussi. Ah, ouais. T'as Photoshop, excusez-moi. Vous êtes dans une autre catégorie que moi. En troisième position, cherchez si t'as pas un film sur ton ordinateur. Grave. Vous avez des films sur votre ordi autour de la table? Oui, oui, oui. Vous avez quoi comme film, Kaufman? J'ose pas te demander. Mais c'est quoi, j'ose pas te le dire. Très bien, Laurence, toi, c'est quoi mais ton moi, film? Moi, je suis plus série en fait. Série sur ordinateur? Ouais. Ok, très bien. En deuxième position, lavez son écran et sa souris. Vous l'avez ou pas, votre écran de souris? Ah, ça m'arrive de plus en plus de le faire. Ah, c'est vrai? Ouais. Moi, je le fais pas. Je le fais jamais. Ah, c'est crado. Ouais, hein. C'est un peu crado. C'est vrai, j'avoue. Il paraît que la souris, c'est l'endroit quasi dans ta vie où t'as le plus de bactéries. Ouais, quoi. Ah, carrément. Pire que les toilettes. Ouais. Ah, mince. Ah, non, c'est vrai, c'est dégueulasse. Ah, je vais la laver ce soir alors. J'y ai pensé. Et en première position, matez les anciennes photos que tu as stockées. Vous gardez des photos ou pas sur votre ordinateur? Bah, ça dépend de quelle photo. Avec les films, toi, ça va. C'est dans le même voilà, dossier. Exactement, hein. Ouais. Pour la suite, ça se passe avec la ville mystère. On a plein de cadeaux à faire gagner, Kaufman. Hein. Oui, on a des goodies, jeux vidéo. Ouais. Et avant la fin de cette semaine, on prendra quelqu'un pour lui offrir la série Dragon Ball. Très bien, ça se passe juste après Kung, This Girl, sur Fun Radio.

La suite du Sundance Floor, ça se passe avec Maître Gims. Dans quelques minutes, il y aura aussi le fun game de Kaufman. On s'intéressera à Pokémon Go. Oui, au nouveau radar que vous voyez depuis ce matin, si vous possédez l'application. Maintenant, on va s'intéresser à la ville mystère. Le principe du jeu est simple. J'ai une ville en tête et au 63,22 1€ par message, vous allez devoir retrouver la ville. Laurence Kaufman, vous allez poser des questions pour aider les auditeurs. On a plein de cadeaux à vous faire gagner, des jeux vidéo, des packs fun, des goodies collector. Première question, on va commencer avec Kaufman. Oui, est-ce que c'est une ville en Europe? C'est une ville en Europe, oui. Est-ce que c'est une ville belge? Non. Ah. Ah oui, on sort de la Belgique. Le monsieur est sorti des sentiers battus. Effectivement, je suis sorti de mon pays. Ouais. Est-ce que c'est une ville italienne? Une ville italienne, non. Est-ce que c'est une ville hollandaise? Non plus. Est-ce que c'est une ville française? Oui. C'est quoi le fleuve connu qui passe par là? Le fleuve connu, c'est la Seine. Ok. La Seine? Oui. Ah, facile. Facile, les gars, excusez-moi. Il y a un quartier, si je me trompe pas, qui s'appelle la Seine-Saint-Denis. Ah oui, c'est un peu en dehors. Ah. C'est un peu en dehors de ça, quand même. Hein. Ah, je me trompe. Alors, j'ai posé une question. Oui, vas-y, pose une question. Est-ce que l'équipe de foot, parce que moi, tu sais bien que je rattache tout au foot de la ville, c'est le PSG? Oui. Et pour savoir la bonne réponse, toi, Kaufman. Laurence, une question? Oui, c'est quoi l'université connue là-bas? Il y a la Sorbonne, on peut dire. Kaufman, tu penses savoir, c'est Est-ce que un des monuments les plus célèbres là-bas, c'est la Tour Eiffel? Oui, voilà, à mon avis, là, ça donne quand même des sacrées indications. Hein. Si vous avez la bonne réponse, ça se passe au 63,22. On a plein de cadeaux à faire gagner, des jeux vidéo. Kaufman, c'est bien ça, hein? Exactement, on a des jeux vidéo, des goodies, des packs collector. Et avant la fin de cette semaine, je prendrai quelqu'un au hasard pour lui offrir la série, l'intégrale de Dragon Ball. Très bien, une autre question, Laurence, pour les auditeurs? Pas une question, mais est-ce que là-bas, c'est la plus belle avenue du monde? Il y a la plus belle avenue du monde sur place, effectivement. Je confirme, effectivement. Kaufman, une autre question, c'est bon? Moi, à mon avis... Pour toi, c'est bon, c'est oui, vrai? C'est bon, ouais. C'est bon, on me dit Marseille au 63,22. Non, ce n'est pas Marseille, c'est pas la bonne réponse. On me dit Lyon, non, c'est pas la bonne réponse non plus. On me dit Lens, non plus. Lille, non plus, c'est pas la bonne réponse. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 63,22. Voulez-vous un indice sonore pour vous aider? Oui. Allez, j'ai un indice sonore, comme ça, on va mettre tout le monde d'accord. Allez, c'est parti, écoutez bien. Hein. Voilà, la réponse était donnée dans la chanson. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 63,22. On a plein de cadeaux à vous faire gagner. Je prends un gagnant juste après. Maître Gim, ça vous laisse 3 minutes pour jouer au 63,22. 1€ par message. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Dissinoche ce soir? Non, je peux pas, je suis pris. Ah, qu'est-ce que tu fais? Bah, je dois liker toutes les photos de belle-maman pour me faire bien voir, prendre des photos des plats que j'ai ratés, leur appliquer un fil pour qu'ils aient l'air trop appétissants, changer ma photo de profil, la rechanger, la re-rechanger pour revenir à ma première photo, chanter sur des films de karaoké que je trouve sur YouTube, me filmer, les poster, aussi envoyer un mail à ma tante qui est restée au bled pour lui demander quand c'est qu'elle revient parce que j'aime trop son couscous. Ah, ok. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Et tu sais que tout ce que je peux faire ici, je peux aussi le faire à l'étranger? Non. Surfer et partager aussi en vacances. Proximus réduit les tarifs roaming pour ses abonnés jusqu'à 70%. Proximus, infiniment proche. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Ah, pour moi, un... Ah oh, oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, donc 3. Il y a un problème? Ouais, comment ça s'écrit? Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Ce soir, la Super Coupe UEFA. Les vainqueurs de la Champions League et de l'Europa League s'affrontent pour le titre ultime. Real Madrid-Séville, la Super Coupe de l'UEFA, un événement RTL Sport à vivre en direct ce soir dès 20h sur Club RTL.

passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai des pour la suite du son d'Explore, je vous propose Madden. Et c'est le moment de découvrir qui a gagné à la ville mystère. J'accueille Willem qui est avec nous. Salut Willem, ça va? Bon, ouais, ça va bien, vous? Oui, ben ça va, on est en pleine forme nous autour de la table. Le prince des Pays-Bas, il s'appelle pas Alexander Willem par hasard, si je me trompe le pas. Le prince des Pays-Bas. Bah non, tout à fait, c'est mon petit cousin éloigné, si tu veux. Petit cousin éloigné, tu connais en plus. Et le courant, aussi, il est calé, Willem, qui vient de Mons et qui a 30 ans. Dis-moi, Willem, c'est quoi la ville mystère aujourd'hui, à ton avis? Paris. Paris pour toi, on vérifie. Bien joué. Bravo, Willem. Waouh. Merde, il vient de sauter du pont. Wow. Bravo Willem, tu repars avec avec des goodies jeux vidéo. Tu as une console chez toi, Willem? Non, je n'ai plus. D'accord, bah c'est pas grave, t'auras les goodies quand même, hein. Si on peut faire plaisir, on essaye quand même, hein. Et je l'écris, bravo Willem pour le cri. Ah ouais. Donc, je te souhaite une bonne soirée, hein. Bisous Willem. Majesté, bonne soirée. Bisous Willem. Bisous, on prend tes coordonnées hors antenne. Ne bouge surtout pas Willem, tes coordonnées, ça se passe hors antenne. Le fun game Kaufman, on est prêt au taquet. Nouveau radar dans Pokémon Go, on en parle maintenant. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games avec Kaufman de Smart Toys. Le nouveau radar. Oui, un des problèmes que les joueurs rencontraient avec Pokémon Go, c'est que forcément on ne sait pas où sont les Pokémon, on a du mal à les situer. C'est une galère. On marche et on se dit mais où ils sont passés ces bestioles pourtant si charmantes, mais c'est difficile à capturer. Bonne nouvelle, Niantic vient de mettre à jour son radar, autrement dit la partie qui vous sert à repérer les Pokémon. Et dans un premier temps, on vous montre les Pokémon qui sont à proximité, jusque là rien de bien neuf, sauf que dans très peu de temps, ça va devenir carrément un GPS. C'est-à-dire que vous sélectionnerez le Pokémon le plus proche de vous que vous voulez avoir. Et l'application vous montrera le chemin emprunté pour aller le chercher. Ah bah enfin, parce que vraiment c'était galère, hein. Moi je comprends toujours pas le radar en ce moment là. Le radar, il y a des Pokémon qui s'affichent en bas, c'est ça, Kaufman? Exactement. On clique sur le Pokémon, c'est ça qu'il faut faire là maintenant? Non, ça viendra dans quelques jours. Pour l'instant, il est marqué les Pokémon les plus proches. Et il faut tourner en rond en fait. Ensuite, il marquera le Pokéstop le plus proche du Pokémon que tu recherches. Et encore ensuite, il t'indiquera le chemin pour aller le chercher. Ah parfait, c'est bien, bravo pour ces évolutions du côté de Niantic. Ah oui, c'est pas fini d'évoluer. Surtout qu'on annonce bientôt les combats entre dresseurs. On annonce aussi l'échange des Pokémon. On annonce beaucoup beaucoup de nouveautés du côté de chez Niantic et de My Pokémon Company. Très bien, dans une heure on parle de quoi, Kaufman? On parlera de catch. Ah, de catch, ah oui, plus de catch, j'adore ça moi. Et on parlera de la musique qui accompagnera le nouveau jeu de catch, qui est un des jeux les plus vendus en Wallonie quand même, faudrait pas l'oublier. Pour arriver à 19h, il y aura le son de Madden et là c'est les meilleurs moments de l'Happy Hour avec Audrey. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Ça c'est parti. Pour l'appel bourré de Fab, c'est nouveau. Fab, il boit un petit coup de trop et après il appelle les gens, en fait, il les saoule, c'est ça le truc. C'est ça. Et il a appelé qui aujourd'hui, le Fab? Alors, c'est pas si t'as remarqué, mais j'ai un truc sur la langue quand pas je du parle. Tout. des fois, je dote. Et je les aime pas, donc j'ai appelé un coiffeur pour le couper. Couper le cheveu sur la langue? Ben oui. D'accord, ok. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle pour un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous entends pas du tout là, monsieur. Moi, je vous entends bien. Si je parle comme ça, vous m'entendez mieux? Ça va pas bien, non, pas bien du tout. Vous m'entendez pas bien? De loin, très loin. Pourtant, je suis collé avec mon téléphone. Ça Dites-moi. Alors, je vous appelais, monsieur, pour, s'il vous plaît, prendre un rendez-vous. Oui, pourquoi, dites-moi. Puis, vous faites des garçons aussi ? Oui, tout à fait. Puisqu'il faut que vous me fassiez couper un cheveu qui me dérange. J'ai un cheveu sur la langue que je voudrais enlever, monsieur. Un cheveu sur la langue ? Oui, c'est super gênant quand je parle, par exemple, quand je dis « c'est super », vous voyez, on entend. C'est, ça m'énerve. Alors, je dis « stop, ça peut plus durer, je vais prendre rendez-vous. C'est dans le coiffeur, je vais l'enlever. » Je voulais voir quand est-ce qu'il y avait de la place pour moi. Quand c'est un mercredi ? Oui, mercredi, je veux bien. C'est à quelle heure ? Vers quelle heure ? Je sais pas, parce que... dites-moi, je vous dirai. Après-midi ? Oui, le matin, j'aime bien dormir. Après-midi, j'ai de la place à 16h. Oui. 4h. Oui, de toute façon, c'est qu'un cheveu, donc ça va aller vite. Hein. Un cheveu ? Ah oui, c'est celui que j'ai sur la langue, hein, que je dois enlever. Les autres, c'est, ça. C'est une blague. Pardon ? C'est une blague, ça. Bah non, non, non. Regardez, quand on se dit « c'est super », on entend. Oui, d'accord, mais c'est une blague. Bon. Ah non, non, non, du tout. Parce que c'est super en énervant. J'aime pas. Il faut que je l'enlève. Il est trop long. Couper un cheveu sur la langue, ça va être un peu difficile. Hein. Pourquoi ? Bah, parce que je. On dit, on, en général, c'est ce qu'on dit. Mais bon, c'est pas vrai, quoi. Ah, si, si. Écoutez bien. Excusez-moi, monsieur. Mais bon, vous voulez un rendez-vous parce que je suis occupé, là. Eh bien, oui, tu dis que je veux un rendez-vous pour l'enlever, mais ça va vite. 16h, 16h05, je suis parti. Regardez, il est encore revenu. Donc, en 5 minutes, je pense que c'est fait. Hein, Mais ça va. J'espère que vous ne faites pas perdre mon temps, vous rigolez pas de moi, enfin, parce que j'ai pas, Ah, ben, vous l'entendez quand même, monsieur, mon cheveu sur la langue? Oh non, je ne coupe pas un cheveu sur la langue, c'est une blague. Bah non, monsieur, mais j'ai besoin d'un coiffeur pour faire ça, je peux pas le faire tout seul. Ah, il est encore là, on l'entend. Bon, je vais raccrocher parce que je crois que c'est une blague et ça ne me plaît pas du tout. Mais non, monsieur, moi j'ai un cheveu sur la langue que je dois enlever. Vous êtes mon seul espoir. Ah, t'es encore là, écoutez. Fab, vas-y, parle un peu pour voir. Alors, ça s'entend pas. Non, toujours. Mais finalement, il est toujours là, le cheveu. Hein. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Summer night, and I held you tight in the golden light. And ever since that time, I've been burning bright, fire deep inside. I just wanna feel your love, I need your love. Wake me back to life. Give me one more night, and I hold you tight in the golden light, in the golden light. Explore continue avec l'espagnol Enrique Iglesias. Et toute cette semaine, on a un super cadeau à vous offrir, Laurence. Ouais, on offre l'Acer One 10. Donc en fait, c'est une sorte de ordi-tablette, tablette-ordi, c'est un peu comme on veut, de 10 pouces. Ouais. Qui a plein de fonctionnalités, donc ça c'est vraiment, vraiment bien. Et en plus, on peut regarder des séries dessus, jouer, faire du traitement de texte pour l'école ou pour le travail, c'est comme on veut. Donc c'est vraiment topissime. Et on vous l'offre ici dans C'est que du fun. Il faut tout simplement envoyer PC au 6322, c'est 1€ par message, et donc voilà. Ouais, il y a plein de fonctionnalités, Kaufman en a parlé tout à l'heure, vraiment, il y a de l'HDMI, on peut le mettre sur la télé, ça Kaufman. Exactement, il y a une sortie HDMI qui vous permet de le brancher un peu à tous les supports, et inversement, si vous avez par exemple un appareil photo qui a une prise HDMI, vous pouvez aussi exporter vos photos directement sur votre tablette. Ah ouais, c'est possible de faire ça aussi. Ouais, et en plus, quand je dis ça, c'est un peu une bêtise, parce que la tablette qu'on vous offre là, elle fait les photos, ouais. Elle a deux capteurs photo, un à l'avant, un à l'arrière, 2 millions de pixels chacun, l'engin a tout pour plaire, ce n'est pas une machine de remplacement, mais plutôt un couteau suisse technologique, une tablette hybride, un netbook sous Windows qui devrait permettre de nombreux usages à celui ou à celle qui va la remporter. Vous envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message, PC au 6322. Et nous, toute cette semaine, on va les distribuer. Exactement. Par-ci, par-là. voilà. Allez, bonne chance à tous. PC au 6322, c'est 1€ par message. Fun Radio. Fun. Et les 19h, c'est l'heure des infos avec Carlo. Salut Carlo. Salut David. Salut à tous. Je vous disais à 18h que 250 policiers environ s'étaient rendus à Charleroi ce matin pour rendre hommage à leurs deux collègues toujours hospitalisés après avoir été agressés par un homme se revendiquant de Daesh. Cette agression, elle a été évoquée ce matin sur les ondes de Bell RTL par le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, qui a expliqué pourquoi la police est en état d'alerte 2+, alors que le reste de la population est en état d'alerte 3, ce que les membres des forces de l'ordre ont un petit peu de mal à comprendre, vu qu'a priori, ils sont une cible privilégiée pour les terroristes. Mais Yann Yambon n'en démord pas, pour lui, Charleroi est un cas isolé. C'est quelqu'un qui a pris une initiative et ne fait pas partie du réseau de Daesh. Voilà ce qu'il a déclaré en substance. Et on verra comment réagiront les syndicats policiers. Ils doivent rencontrer les autorités demain. Ils pourront toujours répliquer que le couple de policiers assassinés récemment en France a aussi été victime d'un tueur isolé et que des tueurs isolés ne faisant pas partie du réseau, il y en a peut-être encore quelques dizaines qui attendent de passer à l'acte avant de se faire un homme ou une femme en uniforme. Là, il n'y a pas que les djihadistes qui ont nos policiers dans le collimateur, il y a les autorités judiciaires aussi. Et c'est ainsi que le parquet de Bruxelles veut renvoyer 13 personnes devant le tribunal, dont plusieurs agents de police, mais également la légende belge du cyclisme, Eddy Merckx. Ce sont les responsables des achats pour la zone de police de Bruxelles Midi qui sont visés. Ils auraient conclu des contrats avec des fournisseurs en échange de réductions pour des vélos haut de gamme, des lecteurs MP3, voire même un voyage à Las Vegas, bref, ce qu'on appelle de la corruption. Selon une source, entre 2003 et 2008, il n'y a rien qui a été acheté de façon réglementaire. Et la zone était devenue, je cite, une vraie fabrique de fraude. Un commissaire, par exemple, est soupçonné d'avoir informé Eddy Merckx au sujet d'un appel d'offres pour 46 vélos destinés à la police d'Anderlecht. Et en échange, il aurait reçu une réduction pour un vélo Eddy Merckx, un petit peu chiche quand même. Merckx aurait pu l'offrir carrément ce vélo. Enfin, au sport, il n'y a pas que les Jeux Olympiques pour le moment. Nous avons ce soir en Norvège ce qu'on appelle la Super Coupe d'Europe qui oppose le vainqueur de la Champions League à celui de l'Europa League. Même que, comme il y a 2 ans, la rencontre mettra aux prises le Real Madrid au FC Séville. Je pense que c'est l'équipe espagnole qui va gagner. Et puis, ils jouent en football. Cette fois, on retourne du côté de Rio. Le Brésil risque de se taper la honte à domicile, comme lors de la Coupe du Monde il y a 2 ans. C'est que Neymar et les siens, auteurs de 2 nuls blancs jusqu'à présent, sont obligés de battre le Danemark pour éviter l'humiliation d'une élimination au premier tour.

Allez, c'est parti, première carte, Ariane. Hein, c'est un 3. On continue ? Oui. Très bien, deuxième carte, Ariane. Un 5, 3 plus 5 ? 8. 8. On continue ? Ok, oui. Très bien. C'est un 2. 10. Plus 2, ça fait 10. On continue ? Oui. Des petits chiffres aujourd'hui, disons. Ah, hein. Un 4. Ouais. 14. T'as 14. On continue, Ariane ? Oui. Ok. Rien à marche pour ça. Encore un 4. 14 plus 4. 18. 18. Ah, pack fun. Donc, pack fun gagné pour toi, Ariane. Est-ce que tu vas tenter le coup de 21 pour gagner un jeu vidéo, Ariane ? Ah oui. Bon, on va tenter. Tu vas tenter. Ah, allez, joueuse. Je valide ton choix. On l'appelle la kamikaze dans le milieu. On l'appelle la fusée surtout. Allez, c'est parti. La dernière carte. C'est un 9. Non. 18 plus 9. Oh. Ça fait beaucoup trop. Ça fait 27. 27, ça fait beaucoup trop. Ah, désolé, dommage. Ariane, désolé. C'est pas grave. Ah, tant pis, hein, tu viendras jouer une autre fois, Ariane. Ben, je suis vraiment désolé, fallait pas trop jouer. Faut être prudent des fois, okay, dans la vie, Ariane. Comme la fusée, elle a explosé en plein vol. C'est ça. Bon, mais bisous, Ariane, bonne soirée quand même. Hein. Oui, au revoir. Au revoir, Ariane. Bisous, bisous. Pour la suite, on va parler des traditions avec Laurent, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, c'est la Saint-Amour. Et donc, ouais, du coup, on va parler de mariage et des célébrations insolites autour du monde. Il y aura aussi le Fun Game, Kaufman. Oui, on parlera de catch. De catch ? Il y a un nouveau jeu ? Bah, je te ferai des prises, tu vas voir. Ah, fais-moi une prise. Juste après Martin Solveig, Do It White sur Fun Radio. Au bord de la plage, branchez sur Fun Radio. Quand vous écoutez Fun Radio, vous êtes en vacances. En vacances. Tes mots donnent, tes mots prennent, les plus courts me retiennent. Tes mots blessent, tes mots de passe, ils s'écrivent puis s'effacent. Tes mots que j'aime, ceux que je déteste, certains que tu glisses rien que pour me tester. Tes mots du début et ceux de la fin, les plus vicieux et les plus malins. Il court, le bruit de ses mots. Il court, ambigu sont ses échos. Il court, ravage tout sur son pas. sont plus forts que les coups. Vicieux sont les idées qui te poussent à bout. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Celui qui te veut du bien peut aussi te détruire. J'ai vu des gens péter un plan tourné en rond parce que fatigués de penser, ils finissent comme des moutons. Des mots à outrance te donneront mal à la tête. L'ironie voudra que le silence te rende bête. Doté de paroles, je pense qu'on n'est pas prêt. Tes propres mots derrière un écran, c'est ça le progrès. De simples mots peuvent changer le cours de ton histoire. Un discours bien manipulé pour plus de pouvoir. Il court, il court, il court. Le bruit de la haine et le bruit de l'amour. La force des mots ravage tout sur son passage. Et met nos faiblesses en otage. C'est la puissance de tes mots. La suite du Sundance Floor, ça se passe avec Boosty. Et quel cadeau cette semaine on a à vous offrir, l'ordinateur Acer One 10. Oui, j'ai bien dit ordinateur, Kaufman. Bah, je vais te frapper. Voilà. C'est bon, frappe-moi, je m'en doutais, parce que c'est pas un ordinateur, vraiment. Bah non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un couteau suisse technologique. Vous pouvez le transformer en ordinateur, vous pouvez le garder en tablette. Il a plusieurs fonctions, plusieurs utilités. Vous pouvez jouer, regarder des films, ouais, faire du traitement de texte, évidemment. Mais en plus, il a une connectique assez intéressante. Autrement dit, vous pouvez vous en servir pour plein de choses, pour vous connecter au Wi-Fi, bien sûr, pour connecter des adaptateurs, des accessoires Bluetooth, ouais, qui fonctionnent avec le Bluetooth. Et puis, vous pouvez aussi, par exemple, mettre une carte SD si vous avez envie de regarder des films et que vous n'avez pas envie de les stocker sur votre disque dur. Et il est équipé, cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, ouais, et bien, de deux appareils photo, l'un à l'avant, l'un l'autre à l'arrière. Ouais, c'est mieux. 2 millions de pixels, okay, chacun. Bref, bah, c'est la petite Ferrari du moment. Ouais, effectivement, l'écran est magnifique. En plus, un 10 pouces, c'est ça, l'écran? Oui, oui, oui. Ah, tu sais bien ce que c'est, 10 pouces. Effectivement. Vous envoyez PC au 6322, c'est 1 euro par message. Et toute cette semaine, on vous l'a fait gagner, que ce soit dans, eh ben, dans Summer Fun entre 6h et 9h avec Anto et Coco, ou dans C'est que du fun entre 17h et 20h. On vous ouvre grand les portes des cadeaux tout l'été. Effectivement, vous envoyez PC au 6322, c'est 1 euro par message. Laurence, t'as fait un point sur les traditions, toi? Exactement, aujourd'hui c'est à Saint-Amour et donc, ouais, du coup on va faire un petit tour du monde des traditions pour célébrer le mariage. Ah, très bien. Et Kaufman, le fun game? Oui, on va faire le tour du monde et on regardera comment on fait l'amour devant une console. Non, c'est vrai? Non. Ah, merde. Et Boosty pour le Sundance Floor. Fun Radio présente Party Fun Live avec Kid Noise, vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie. Party Fun Live. À l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noise pour un set exclusif, mais aussi Cardell et Oksun DJ Party Fun. Kid Noise en live, c'est vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie, près de Pérouet. Plus d'infos sur funradio.be, une organisation du comité du 15 août et TNT Musique. Fun Radio. When you say you love me, tell me don't leave it, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Now I got that feeling you without me won't break my heart, nah, nah, nah, nah, nah. Cause the sunlight's in my eyes when you're out of sight. You could have seen me shine, I'll tell you one more time, oh. Oh,

Dans quelques minutes, c'est le Fun Game. Il y aura aussi le son de Cheat Codes sur Fun Radio. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour les amoureux, Laurence. Exactement. Donc, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Ouais. Vous connaissez, les gars? Oui, on se connaît, ça va. Ça vous dit vaguement quelque chose, ça va? Bah, c'est la journée où on boit le vin du vignoble à Saint-Valentin. Ah oui, Saint-Valentin, effectivement. C'est pour ça, non? C'est pas ça? Non, c'est pas trop simple, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est le 9 août et c'est la Saint-Amour. Ah, c'est à Saint-Amour aujourd'hui? Oui. Ah, sympa, j'en connais donc, pas même. Bonne fête à eux. Et donc, on va parler des célébrations de mariage dans le monde. Ah, ok, très bien. Ben, on part directement en Grèce. Et à votre avis, comment en Grèce on fête les mariages? Kaufman? Entre de la feta et du tarama. Ouais, moi j'irais avec la moussaka en échange, non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. En fait, dans certaines régions du pays, on accroche des billets sur la robe de la mariée. Des vrais billets? Ouais, des vrais billets, de l'argent. Après, moi, je veux la marier, moi, après, tu vois. Non, ça fait très sympa Noël, finalement. Et après? Et en fait, c'est pour lui souhaiter richesse et prospérité. Ah. Et puis, les mariés dansent la money dance. La money dance? Ouais. C'est quoi ça? Je sais pas. La money dance. Allez, on change de pays, on va où? Alors là, on va en Allemagne. À votre avis, comment ça se fait là-bas? En Allemagne, Kaufman? Bah, avec de la bière. Ouais, je dirais aussi avec de la bière pour rester un peu cliché, on va dire. Bah non, faut sortir de ça. En fait, ça fait un peu Koh-Lanta, mais en fait, il y a des épreuves. Des épreuves? Ouais. Donc... des épreuves pour se marier. Ouais, ouais, c'est bizarre, mais avant le mariage, en fait, la première épreuve, c'est une épreuve pour tester la cohésion du couple. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on casse un grand nombre d'assiettes et les mariés doivent en fait tout nettoyer. Ah ok, c'est sympa, et donc tu casses toutes tes assiettes chez toi, après, bon, nettoie chérie. C'est sympa comme truc, hein. Je préfère les Grecs pour l'instant. Ouais, c'est vrai, les Grecs sont un peu mieux. Et en fait, après le mariage, il y a une deuxième épreuve, et en fait, ils doivent scier un tronc d'arbre ensemble pour en fait tester leur entente et leur coordination. Ils doivent scier un tronc d'arbre? Ouais. Les deux? Ouais. Ah, mais ça peut durer des heures, cette connerie. Non, mais tu sais qu'ils abattent des forêts, hein, toutes les années. Il y a plus de forêts en Allemagne, c'est pour ça, en fait. Les derniers pays. Bah, pour finir, on va au Danemark, et à votre avis, bah, les gars, comment on fait là-bas? Au Danemark, alors. Sur le Danube. Ouais, sur le Danube, ou pas, un truc avec le froid, peut-être aussi? Non, rien à voir. En fait, les Danois, ils sont quand même très très chaleureux parce qu'en fait, lors de la cérémonie, tous les invités ont le droit d'embrasser la mariée. Sur la bouche. Ah, sur la bouche. Sur la bouche. Ouh, Kaufman, ils sont envoyés là-bas. Ou en Belgique. Kaufman n'a pas pris un billet pour aller en Danemark, c'est bon. Hein. Bah, je vais prendre les billets de la robe de la mariée chez la Grecque. J'irai prendre du bois pour me chauffer en Allemagne. En Allemagne, et puis je finirai au Danemark. Quoi. Super, c'est un bon programme ça. Et dans quelques minutes, c'est le Fun Game avec Kaufman. On va parler de quoi? On parlera de catch, puisque vous le savez, WWE 2K17 sort bientôt. Et puis on vous donne les nouveautés dans quelques secondes. Juste après Cheat Codes avec Sex sur Fun Radio, c'est que du fun jusqu'à 20h. That was unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal, and I don't want it to end. Tell me all your dreams in darkest fantasies. Ooh. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Unbelievable. I wanna do it again. I'll eat you like a cannibal. You're sweet like cinnamon. Tell me all your dreams in darkest fantasies. Oh, let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you. Talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Le Sundance Floor continue avec Axwell Ingrosso. Et place au fun game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games avec Kaufman de Smart Toys. Et quoi de beau, Kaufman? Alors, on va parler d'un jeu de catch qui est quand même un des jeux les plus vendus en Wallonie. Ouais. Ne nous égarons pas, c'est quand même le seul pays au monde où le jeu de catch occupe une place de premier pendant quelques mois. Ok. Pardon, parce que là, j'allais pas y arriver. Vas-y, dis-nous. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans chaque jeu vidéo figure évidemment une programmation musicale plus ou moins intéressante. Ouais. Et là, pour le jeu WWE 2K17, eh bien, c'est le rappeur Puff Daddy qui va se charger de concocter la playlist. Ah, ça va, trop bien. Et donc, pour un jeu de sport, c'est plutôt un solide atout que d'avoir P.D.D. dans équipe. Il a dévoilé quelques morceaux. J'en ai retenu trois qui m'ont intéressé, qui sont très fun radio, très playlist fun radio. Axwell Ingrosso, This Time. Ouais. On a joué ça. Ouais, bien sûr. P.D.D. avec Mark Curry et Black Rob, Bad Boy for Life. Ça, c'est un morceau qui date de il y a quelques années. Il me regarde. Il me regarde avec. Je te regarde en disant attends, je suis en train de chercher en fait. Ouais, et si je te parle de 21 Pilots. Ah oui, ça je connais, bien sûr. Avec Ride. Bref, avec P.D.D. aux commandes, on risque d'avoir un jeu qui non seulement va déchirer au niveau sonore, mais bien en sûr. Plus on sait que le jeu est assez plutôt folklorique dans le milieu du catch. On va faire des coups de la corde à linge, on va faire la prise de l'ours, on va faire des portées, enfin on va bien s'amuser quoi. Ouais, Laurence. Mais j'ai l'impression que les musiques dans les jeux, c'est hyper important en fait. Moi, ça me met vraiment en condition et ça me conditionne énormément. Ouais, genre GTA et tous les bandes son, elles sont vraiment hyper bien quoi. C'est quoi les jeux où il y a la meilleure bande son? GTA, FIFA, ouais, non, GTA, c'est ça. Ils ont même sorti une anthologie des musiques par rapport au jeu. Ah, sympa comme truc. Ça sort quand le jeu de catch là? Bah, ça sort à la rentrée. À la rentrée, ouais, le prix on l'a ou pas semaines. Comme d'habitude, à peu près 59,99€. Disponible sur Smart Toys ou pas? Chez Smart Toys. J'en ai marre de dire Smart Toys. Disponible chez Smart Toys. Et sur smarttoys.be ou dans un 19 magasin. Et on a encore le PC à faire gagner Kaufman toute cette semaine. Hein. Ah, c'est vrai, je l'oubliais celui-ci. Le PC tablette. Je voulais le garder. Non, tu dois le donner. La CR110 est à gagner toute cette semaine sur Fun Radio, que ça soit dans Summer Fun ou C'est que du Fun. Vous envoyez PC au 6322 et c'est peut-être gagné. Oui, on développe tout ça juste après Axwell Ingrosso sur Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 20h. Think about love, think about hate, think about getting fame, why I'm always late, think about tonight, what I'm gonna do, but I just can't concentrate, cause I'm thinking about you, think about money, think what I owe, spent it on a car with a cool, cool stereo, and I'm sitting in traffic, wishing it. Should be thinking about a job, but I'm thinking about you. Thinking about you now. Think about your touch. Think about your kiss. Feeling like a kid again. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Think about my holidays. Think golden rays. Think about dancing and sitting in the waves. Then I'm thinking about a time and a place where we met. Swimming in a sea and your hair was all wet. Think about colors. Think about sex. Think about your body, how it moved in that dress. Think about your touch, think about your kiss. Feeling like a kid again. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. like a kid again. Total utter bliss. Dans quelques minutes, c'est le rappeur canadien Drake qui débarque sur Fun Radio. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. Et cette semaine, on propose de gagner le gros lot, Kaufman. Hein, le gros lot, ouais, c'est la Acer One 10, une tablette, un ordinateur, un condensé de technologie qui va vous permettre non seulement de faire ce que vous avez envie, que ce soit jouer, que ce soit faire de l'édition de texte, que ce soit regarder des films. En plus, jouer, il faut pas croire que parce que c'est une tablette, on s'arrête en 2D. Ouais. Non, on peut jouer en 3D, tranquille, okay, détendu. Ensuite, la connectique, on vous en a parlé aujourd'hui, que ce soit du Bluetooth, que ce soit aussi le Wi-Fi, l'HDMI, ouais, les capteurs photo. Elle est très très très bien pourvue, elle est très très bien équipée. En plus, il y a quoi en plus? On peut mettre son petit clavier détachable au calme. Il n'y a pas de charnière compliquée, tout est magnétique, ce qui veut dire que ça se clipse tout seul. En fait, très bien, et ça devient un PC après. Exactement. Le PC est équipé lui-même d'un port USB et d'un port micro USB, ce qui fait que vous n'êtes jamais à court d'idées technologiques. D'accord, sympa. Vous avez soit l'un, soit l'autre. Si je ne me trompe pas, en plus, c'est de l'USB 3.0. Ah, ça va vite alors. Effectivement, c'est la vitesse de transfert la plus élevée pour l'USB à l'heure actuelle, si je me trompe pas, je suis okay, pas oui, non très plus bien. Ouais, mais très bien. Et pour le remporter, la comment question est importante, oui, elle mérite réponse. Deux lettres suffisent. Ces deux lettres sont P et C. Okay. Vous collez le tout, ça fait PC, et vous envoyez le tout au 6322, c'est 1 euro par message. PC au 6322, attention de ne pas mettre de points entre, de ne pas mettre d'espace entre, puisque notre serveur ne détectera votre participation que si et uniquement si vous avez bien orthographié PC. En même temps, c'est pas très, très compliqué, ouais, par rapport au début de saison où j'ai appelé Pulsar, où j'ai appelé Bellowar. C'est vrai, c'était plus compliqué là. Hein. Bon, là, on est dans du très très facile. Vous envoyez PC au 6322, c'est 1 euro par message. Et en plus, cerise sur le gâteau, oui, the cherry on the pie, oui, on the cake. Oui, comme d'habitude. Voilà. Eh bien, si vous participez une fois, vous avez deux chances de gagner. Ok. Bah oui, puisque nos collègues et amis, néanmoins amis quand même, hein, bien faut sûr signaler, elle était là il y a deux secondes. Oui, c'est vrai qu'on l'a croisée dans les couloirs. On l'a croisée, nos amis Anto et Coco. Eh bien, entre 6h et 9h, ça va aller, Kaufman? Oui, j'étais en train de penser quelque chose d'horrible. Et c'est que du fun entre 17h et 20h. Eh bien, je sais plus ce que je dis, mais je le dis. Eh bien, ces deux émissions vous proposent de gagner. Voilà, je vous propose de gagner la tablette PC Acer One 10. Vous envoyez PC au 6322, c'est 1 euro par message. PC au 6322, c'est 1 euro par message. Je suis du son Dance Floor, ça se passe avec Drake sur Fun Radio. Prenez une bonne dose de fun. Ah, tout l'été. Delma, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. c'est que du fun. 17h-20h sur Fun Radio. Baby, I like it so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. D'ici 20h, je vous propose Félix Jen sur Fun Radio. Et va-t-on avoir un gagnant pour le PC tablette, Kaufman? Ah, écoute, j'ai réfléchi. Oui, dis-moi. Un petit peu, ça m'arrive de temps en temps. C'est rare. Et je propose. Ouais. Je propose. Dis-moi. Que demain. Oui. On offre cette tablette en direct. La Serwanted partira demain, c'est sûr et certain. Alors pour tous ceux qui ont participé, rassurez-vous. Bien sûr. Calmez-vous. Soyez pondérés, on vous l'offre demain. Exactement. Et la candidature, la participation compte aujourd'hui, bien évidemment. Évidemment, c'est là où je voulais en venir. Si vous avez participé aujourd'hui, ça comptera pour demain. Bien sûr. Plus besoin de participer demain, sauf si vous voulez doubler, tripler, quadrupler vos chances. Exactement, ouais. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ouais. Vous envoyez PC au 6322, nous n'arrêtons pas, nous ne fermons pas ce concours, on le laisse ouvert jusqu'à demain. Et en plus, demain, émission exceptionnelle avec la venue, comme d'habitude, à 18h. C'est une petite habitude qui est, ma foi, très sympathique, mais qui fait prendre des kilos, faut bien dire. Eh bien, notre cher ami glacier Zizi, qui viendra ici à 18h pour vous faire goûter quoi? Le goût, l'unique, le seul au monde, le goût Fun Radio. Ah. Il est gratuit, il bien se déguste sans modération, je peux vous le dire. Ouais. Après deux semaines avoir goûté ce goût, je peux vous dire qu'il est bon. Il a pris 3 kilos, c'est bon. Mais la première semaine, c'était de la curiosité, bien tu sûr. Vois. La deuxième semaine, je voulais avoir la confirmation. C'est ça, la troisième semaine, ça va être de l'envie maintenant. Ça sera que du fun et du plaisir. C'est ça, la glace Fun Radio à goûter demain à 18h. On remercie Glacier Didi qui vient tous les mercredis à 18h. Gentil, hein. Merci à lui, venez, c'est gratuit. On doit se rendre où, Kaufman? 33 avenue Télémac à Forêt. Si vous avez envie de nous rejoindre, c'est à partir de 18h que le glacier, avec sa camionnette, il vient. Et puis vous prenez quoi? Un cornet? Vous prenez un petit pot? Vous prenez ce que vous voulez? C'est gratuit. Nous, hein. C'est gratuit. On vous rafraîchit tout cet été. Alors oui, on va pas vous cacher que la météo de demain, elle est pas terrible. Elle c'est est vrai. Pas terrible. C'est pas grave. Mais pour une glace et pour visiter les studios à Fun Radio, de Fun Radio, eh bien n'hésitez pas. C'est au 33 avenue Télémac à Forêt que cela va se passer. Et comme chaque mercredi, on vous accueillera avec le sourire. Oui, demain à 18h. Nous, on se retrouve demain à 17h pour l'émission. 17h-20h demain. Pour la suite de l'émission, il y aura les meilleurs moments de la Power, Félix Jen. Et il y aura également Unique. Unique qu'on va recevoir lundi prochain dans l'émission. C'est notre invité exceptionnel lundi prochain, Unique. Nous, on se retrouve demain. Lundi prochain. Ouais, lundi 15 août, férié. On travaille. Oui, c'est férié, mon travail. On travaille. Oui, on travaille. Bon, c'est d'accord. C'est noté. On sera également avec Unique lundi 15 août. Je vous souhaite une bonne soirée, Kaufman. Bonne soirée. Bonne soirée, à demain. Bah, demain. Bonne soirée, Laurence. À demain. Bisous. Bonne soirée, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À demain. 17h. Bye bye. Écoutez. Ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Un enfant, ça fait du bruit. On comprend rien quand il parle. Alors, imaginez quand il chante. C'est le Piggy Blind sur Fun Radio. Hey, je suis mauvaise en anglais. Hein. Tu vois, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. J'ai arrêté l'école, j'étais mauvaise. Hein. Je peux arrêter aussi de dire 21 Pilots si j'arrive pas. Mais ça va, tu le dis bien. Je vous traduis carrément les titres ici. C'est ça qui est génial. 21 Pilotes, c'est plus facile à dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Grâce à toi, on va s'endormir moins bête. Merci, Audrey. De vraiment... rien. Franchement, ça me fait merci, plaisir. Merci, vous le faites. Bien, ça m'a mis une demi-heure pour le traduire, mais c'est cadeau. C'est, la vérité, c'est pour moi. Bon, c'est parti. On va se faire un petit baby blind là. Voilà, j'ai envie pour terminer l'émission avec du cadeau à choper, un pack fun. Si vous arrivez à me retrouver soit le titre de la chanson. Non, tu sais quoi, on va pas faire ça. On fait un cache-cache. Non, ouais, on a que ça à faire. Ça va être très radiophonique ça. Non, par contre, vous me filez l'auteur. Voilà, l'artiste qui chante le son. Pas le titre, ça comptera pas. Juste l'auteur. On change un petit peu. Écoutez bien si vous avez une idée de la réponse. 30-44 pour vos messages. Bonne chance. Miroir, dis-moi beau. Et à venir, mes galops. Viens donc châtier ton ego. Allez. Tout est délice. Allez, c'est quoi la réponse? Oh là là. Bon. Attends, moi je... Oh Fab, sérieux quoi. Sandro, je fais que tu l'as. Je sais presque. Passe tout le temps sur Fun Radio. Oui, mais le nom, il faut que tu me demandes le nom pour... L'artiste. Je veux l'artiste. Sinon, ça compte pas. Ouais, c'est comme la mayonnaise. Comme la mayonnaise. Faire les sauces là. Compte, lui. Ah non, il a raison, c'est pas loin d'un pot de sauce ça. Vous êtes vraiment très bizarres tous les deux, sérieusement. Mais non, il y a des sauces. Il y a des sauces qui portent le nom de cet artiste. Voilà. D'accord, mais j'apprends des choses aussi avec vous dans cette émission. Allez, on le repasse une dernière fois pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Concentrez-vous bien. Miroir, dis-moi beau, est à venir, mes galops. Viens donc chatouiller ton ego. Allez. Si vous avez une idée de la réponse et que vous voulez repartir avec du cadeau Fun Radio, allez-y, c'est le moment ou jamais. Vous envoyez votre idée au 3044. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Fun. Nouveau tube Fun Radio. Félix J. I am the bonfire. Bonfire. C'est ici que tout démarre. Fun Radio. Le son des flores. I can hear the whispers around me. Around me. Hurts. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. Close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts. But shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up. When you're mad, make it rain. You're trying to put my fire out. You feel better now, yeah. Spread your head. Bring your wisdom, throw it right into my.